Ésaïe chapitre 5. Je chanterai maintenant pour mon ami le cantique de mon bien-aimé, touchant sa vigne. Mon ami avait une vigne en un coteau d'un lieu gras, et il l'environna d'une haie, et en ôta les pierres, et la planta de cèpe exquis, et il bâtit aussi une tour au milieu d'elle, et y tailla une cuve. Or il s'attendait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Maintenant donc, vous, habitants de Jérusalem, et vous, hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui avait-il plus à faire à ma vigne que je ne lui ai fait? Pourquoi ai-je attendu qu'elle produisît des raisins, et elle a produit des grappes sauvages? Maintenant donc, que je vous fasse entendre, je vous prie, ce que je m'en vais faire à ma vigne, j'ôterai sa haie, et elle sera broutée, je romprai sa cloison, et elle sera foulée, et je la réduirai en désert, elle ne sera plus taillée ni fossoyée, et les ronces et les épis n'y croîtront, et je commanderai aux nuées qu'elles ne fassent plus tomber de pluie sur elles. Or la maison d'Israël est la vigne de l'Éternel des armées, et les hommes de Juda sont la plante dans laquelle il prenait plaisir, il en a attendu la droiture, et voici le saccagement, la justice, et voici la clameur. Malheur à ceux qui joignent maison à maison, et qui approchent un champ de l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et que vous vous rendiez seuls habitants du pays. L'Éternel des armées me fait entendre, disant, si des maisons vastes ne sont réduites en désolation, et si les grandes et les belles maisons ne sont sans habitants, même 10 journaux de vigne ne feront qu'un bat, et la semence d'un homme ne fera qu'un épha. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin, qui recherchent la cervoise, qui demeurent jusqu'au soir, et jusqu'à ce que le vin les échauffe. La harpe, la musette, le tambour, la flûte et le vin sont dans leur festin, et ils ne regardent point l'œuvre de l'Éternel, et ne voient point l'ouvrage de ses mains. Mon peuple est emmené captif, parce qu'il n'a point eu de connaissance, et les plus honorables d'entre eux sont des pauvres, morts de faim, et leur multitude est asséchée de soif. C'est pourquoi le sépulcre s'est élargi, et a ouvert sa gueule sans mesure, et sa magnificence y descendra, et sa multitude et sa pompe, et ceux qui s'y réjouissent. Ceux du commun seront humiliés, et les personnes de qualité seront abaissées, et les yeux des hautains seront abaissés. Et l'Éternel des armées sera haut et élevé en jugement, et le Dieu fort, le Saint sera sanctifié dans la justice. Les agneaux paîtront selon qu'ils seront parqués, et allant d'un lieu à l'autre, ils mangeront les déserts où le bétail devenait gras. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des câbles de vanité, et le péché, comme avec des cordages de chariot. Qui disent, qu'ils se hâtent, et qu'ils fassent venir son œuvre bientôt, afin que nous le voyons, et que le conseil du Saint d'Israël s'avance, et qu'il vienne, et nous saurons ce que c'est. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui font les ténèbres lumière, et la lumière ténèbres, qui font l'amer doux, et le doux amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et intelligents en se considérant eux-mêmes. Malheur à ceux qui sont puissants à boire le vin, et vaillants à avaler la cervoise. Qui justifient le méchant pour des présents, et qui ôte à chacun des justes sa justice. C'est pourquoi, comme le flambeau de feu consume le chaume, et la flamme consume la balle, ils seront ainsi consumés, leur racine sera comme la pourriture, et leur fleur sera détruite comme la poussière, parce qu'ils ont rebuté la loi de l'Éternel des armées, et rejeté par mépris la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est embrasée contre son peuple, et il a étendu sa main sur lui, et l'a frappé, et les montagnes en ont croulé, et leurs corps morts ont été mis en pièces au milieu des rues. Malgré tout cela, il n'a point fait cesser sa colère, mais sa main est encore étendue. Et il élèvera l'enseigne vers les nations éloignées, et sifflera à chacune d'elles depuis les bouts de la terre, et voici, chacune viendra promptement et légèrement. Il n'y aura pas un d'eux qui soit là, ni qui bronche, ni qui sommeille, ni qui dorme, et la ceinture de leurs reins ne sera point déliée, et la courroie de leurs souliers ne sera point rompue. Leurs flèches seront aiguës, et tous leurs arcs tendus, les cornes des pieds de leurs chevaux, seront tout comme autant de cailloux, et les roues de leurs chariots comme un tourbillon. Leur rugissement sera comme celui du vieux lion, ils rugiront comme des lionceaux, ils bruiront, et raveront la proie, ils l'emporteront, et il n'y aura personne qui la leur ôte. En ce temps-là on mènera un bruit sur lui, semblable au bruit de la mer, et il regardera vers la terre, mais voici, il y aura des ténèbres, et la calamité viendra avec la lumière, il y aura des ténèbres au ciel sur elle.